Provoque la police, j'ouvre ma gouache. C'est tous les niggas qui valident la frappe. T'es moins du futur, j'te laisse la place. Gardez votre foot, tu trompes, donne-nous le bif qu'on se garde. Laissez baliser, nous prends plus pour des outsiders. Ça qui tombe dans un foutu cypher. Défiguré par la vibe. Pas sur pression, t'as qu'à que ça fait. J'arrive en équipe, je vois que nos rivaux s'équipent. Y'a pas ni une ni deux quand il s'agit de taire les critiques. Ça tire comme ça à kick, laisse les polémiques. Avant que la mort me frappe, il me reste un peu de temps pour les gifler. C'est qu'on aime trop se piquer pour compter ce pique. Cousin, y'a pas photo entre la lambeau et le pique. J'ai smoke comme un stick, fais faux pronostic. PR aura le titre car la victoire n'est qu'un cycle. Comme Ulysse vient pour charcler l'œil du cyclone. Qui tient la tour du rap français, tous diront mon cop. Ils aimeraient tous nous voir clamser. Gère le Wati Boy si tu veux te placer. Avant qu'on ne parle de toi qu'au passé. WA c'est l'accès, on t'a dit nos limites. Les simples sports, le succès, nous on fait pas les timides. Les connards ont le coup luxé à bouger la tête sur nos chroniques. J'suis le canon du brolique, qui leur a du phonique. Provoque la police, j'ouvre ma gouache. C'est tous les niggas qui valident la frappe. Dis moi du futur, j'te laisse la place. Gardez votre foot, tu trônes, donne-nous le bif qu'on se garde. Laissez baliser, nous prends plus pour des outsiders. Ça qui tombe dans un foutu cypher. Défiguré par la vibe. Pas sur pression, t'as qu'à que ça faire. Oh là, oh là, et balise mon frère. Pousse-toi, laisse faire baliser. Ouais, j'crois neuf, hein. Comment tu te sens quand j'arrive avec mes concepts? Sceptique ou pas, tu vas te manger ton petit coup de cèpe. Petit con, passe-toi, sauve-toi quand tu peux. Je suis un siphon, je parle pas, croise-moi, fais un vœu. Enlève ton trois quarts de merde, viens, on se place où tu veux. Pour moi, tu bluffes, allez, fuck les souris 4, sauf tu peux. Ha, c'est le gain des préliminaires. Tu mises ta carrière de merde sur des délits mineurs. On est des cracks, on donne du taf si t'es un démineur. Débile, c'est Bélizek et Flood Killer. Provoque la folie, j'ouvre ma gouache. C'est tous les niggas qui valident la frappe. Du moins du futur, j'te laisse la place. Gardez votre foutu trône, donne-nous le bif qu'on se garde. Laissez baliser, nous prends plus pour des outsiders. Ça qui tombe dans un foutu cypher. Défiguré par la vibe. Pas sur pression, t'es qu'à que ça fait. C'est pour les morons qu'on doit, les garanties qui me check. Font toi qui font la promo sans sticker. Pour mes nègres qui te passent au premier rang quand ça kick. Depuis que je m'ai mis à la mante, j'souffle les piquets. L'impression d'avoir la dalle poteau depuis mes premiers pas. J'ai pas choqué pas mal de gens, vous comme iPhone avec la page. Et grâce à tes gras, j'ai comme un peu beau dans la tâche. Et là j'vous préviens, ça va se péter, ça va kicker, ça va se dorer. Oh oui, vendetta sur les chroniques du Wati Boss. Ah ou, dans la famille Shinsekai, moi je voudrais Nadjou. Épaulé de mon acolyte, j'ai du platine. Ah ras le coup, on va t'arracher la tête au défilé de Pavdo. C'est pour les Tessi qui s'équipent, qu'il faut du Saraparam. Les loups-garous du bitume, gâteau de voir le bar mal. On fait la cour même sur un T-Max. T'as même pas fait le quart du taf, donc arrête de perdre la folie. J'ouvre ma gouache, c'est tous les niggas qui valident la frappe. Du moins du futur, j'te laisse la place. Gardez votre foutu trône, donne-nous le bif qu'on se garde. Laissez baliser, ne prends plus pour des outsiders. La qui tombe dans un foutu cypher. Défiguré par la vibe. Pas sur pression, t'as qu'à que ça faire. Ne prends plus pour des outsiders. La qui tombe dans un foutu cypher. Défiguré par la vibe. Pas sur pression, t'as qu'à que ça faire.